4 dimanches. Un petit tour et puis s'en va. Arrivé en avril dernier à la préfecture de la Seine-Maritime comme directeur de cabinet de la préfète de région Fabienne Bouchiot, Stéphane Jarlegan vient de quitter Rouen. Selon un arrêté du 10 septembre publié ce mardi au journal officiel, Stéphane Jarlegan quitte ses fonctions à sa demande. Selon l'arrêté, il sera réintégré dans son corps d'origine. Stéphane Jarlegan a accompli une partie de sa carrière au ministère de l'Intérieur. Avant de venir à Rouen, il était directeur de cabinet du préfet de l'ancienne région Poitou-Charentes. À Rouen, il avait succédé à Jean-Marc Magda, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Eure. Si l'un s'en va, l'autre arrive. Benoît Lemaire, sous-préfet d'Abbeville dans la Somme, devient chargé de mission auprès de la préfète de région Normandie. Alors que le magasin avait fermé ses portes, trois malfaiteurs se sont introduits dans le magasin Aldi rue Jacques Monod dans le quartier de Netreville à Évreux samedi dernier vers 20h40. Les individus en cagoulé et ganté ont forcé la porte d'entrée coulissante tandis que trois employés étaient encore dans le commerce. L'un des agresseurs a menacé une caissière en braquant une arme de poing sur elle sans en faire usage. D'après une source judiciaire, ils ont dérobé plusieurs milliers d'euros avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule conduit par un quatrième individu. L'enquête est menée par le service régional de la police judiciaire de Rouen. À 3h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les pompiers ont pris en charge une jeune femme de 24 ans, aux tendances suicidaires, à Saint-André-de-l'Eure, dans une commune située au sud-est d'Évreux. Alors que la victime alcoolisée et sous médicaments a fait mine d'aller chercher sa carte d'identité dans sa voiture, elle s'est enfuie. Une heure plus tard, sa voiture a été retrouvée abandonnée sur le bord de la route à Saint-André. Son téléphone portable était géolocalisé et un chien de piste d'Évreux a été engagé pour la retrouver. À 5h30 du matin, elle a été retrouvée par le maître chien dans les environs de Saint-André-de-l'Eure, allongée sur l'herbe, à moitié inconsciente et en état d'hypothermie. Elle a été transportée par les secours à l'hôpital d'Évreux. S'apprêtait-il à parachuter par-dessus le mur d'enceinte de la prison d'Évreux 8 colis contenant notamment de la drogue. Un homme de 25 ans domicilié à Rouen n'a toujours est-il pas pu mener à bien son projet. Sa présence à bord d'une Peugeot 208 garée rue Georges Duhamel près de l'établissement pénitentiaire n'a pas manqué d'attirer l'attention d'une patrouille de police vendredi dernier vers 16h40. Décidant de contrôler le jeune homme, les forces de l'ordre ont découvert dans le coffre du véhicule un sac contenant 8 paquets soigneusement confectionnés. Répartis à l'intérieur, de la résine, de cannabis, près de 43 grammes au total, 8 paquets de cigarettes, des clés USB et des morceaux de viande. Interrogé sur la destination de ces colis, le suspect a prétendu avoir accepté d'accompagner à Évreux deux individus rencontrés un peu plus tôt à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Il a également affirmé n'être pas au courant de ce que contenaient ces paquets et à qui ils étaient destinés à la prison d'Évreux. Lors de son audition en garde à vue, il a expliqué que les deux individus qui l'accompagnaient, dont le conducteur de la voiture, étaient partis satisfaire un besoin naturel lorsque les policiers sont arrivés. Le mis en cause a été remis en liberté. La procédure sera transmise au parquet qui décidera alors de la suite à donner à cette affaire. Une semaine pour boucler un chantier ambitieux. Depuis ce lundi, une soixantaine de charpentiers venus du monde entier se sont réunis au château médiéval d'Harcourt, près de Brionne. Objectif, reconstruire à l'identique le pont d'accès du château du XIIe siècle qui permet de passer de la basse cour à la haute cour selon des moyens de l'époque. Écarissage, sillage, tracé, taille du bois, assemblage des différentes pièces. Les artisans bénévoles travaillent entièrement à la main. Le chantier est aussi l'occasion de transmettre ce savoir-faire ancestral aux plus jeunes. En février dernier, 15 chênes avaient été abattus selon les méthodes traditionnelles dans la forêt du domaine. Ces arbres sont la matière première travaillée cette semaine. Pendant toute la durée du chantier, les portes du domaine d'Harcourt sont ouvertes gratuitement de 10h30 à 18h30 pour permettre d'observer le travail des charpentiers sans frontières. Cerise sur le gâteau, chaque jour, une présentation du chantier est proposée à 15h. Et puis la capitale de l'Eure s'offre une victime touristique de choix. L'équipe de l'émission quotidienne Midi en France sur France 3 s'installera à Évreux le mardi 25 septembre prochain pour tourner en une journée les 5 rendez-vous quotidiens présentés par Vincent Ferniaud. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est le retour de la musique. Très belle journée sur Cristal.

cherche mon idéal, je meurs. Rosé entre un whisky coca et un shot de tequila, je meurs. Du rhum chez moi, je sens qu'il n'y a qu'un pas, mais je meurs. Si je cherche la sortie, le sens de ma vie, je meurs. Cinq ans dernier. But your heart's not

vous allez faire s'envoler sous les néons de ton garage. Comment peux-tu voir le monde tel qu'il est? Viens, je t'invite à sortir voir les récifs sous la falaise. Viens, je t'invite loin des murs de ton HLM si tu m'aimes. Au cœur de C'est déjà l'heure. L'émission qui réveille la Normandie. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. So far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Bon réveil avec Crystal, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi matin, on vous accompagne jusqu'à 9h30, hein, surtout. Donc bougez pas, dans un instant l'info, mais d'abord l'horoscope de ce mercredi 12 septembre, c'est avec Alexandra. Salut Alex. Bonjour à tous, excellent mercredi 12 septembre. L'horoscope des béliers, les astres vont vous faire voir la vie en rose. On apprécie votre dévouement et votre sens de l'humour. Les taureaux, un manque flagrant de motivation, voire un certain découragement, plomberont votre journée. Les gémeaux, vous laisserez les sentiments de côté. En couple, vous vous occuperez de gérer votre foyer comme une entreprise. Il faut prendre sur vous les cancers, on attend beaucoup de votre part. Lion, vous consacrez du temps à l'être aimé, vous allez le surprendre avec de belles attentions. Vierge, même vos amis ne réussiront pas à stimuler votre envie de vous amuser, vous voulez simplement qu'on vous fiche la paix. Balance, les choix sont le fruit de vos mûres réflexions, vous avez pesé le pour et le contre. Les scorpions, amis célibataires, vous allez tout oser, les astres vous rendront très amoureux. Sagittaire, vous vous interrogerez sur vous-même et par extension vous passerez à la loupe tous vos amis. Capricorne, vous serez moins démonstratif que les jours précédents avec votre conjoint, mais vous n'en penserez pas moins. Verseau, vos bonnes résolutions partent en fumée, les résolutions de la rentrée, vous n'êtes plus vraiment motivé. Poisson, vous ne savez pas si vous devez vous engager ou rester libre pour profiter de la liberté. Excellente journée à tous. L'info de 6h arrive sur Crystal, mais d'abord voici Justin Bieber. I was wondering about your mama. Did she get the job she wanted? So that car that gave her problems, I'm